إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، أيها المسلمون والمسلمات، خلق الله العباد لعبادته، وبين لهم طريق الهداية من طريق الضلالة، فمن أطاعه نال السعادة، ومن عصاه أعد له عذابا شديدا. قال تعالى: نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم، وأن عذابي هو العذاب الأليم. والله سبحانه وتعالى قوي قدير، إذا نزل عذابه لم يرده أحد، ولهذا حذر الله العباد من نفسه وغضبه وعذابه، فقال عز وجل: ويحذركم الله نفسه. والعقوبة الإلهية سنة من سنن الله عز وجل التي لا تتغير ولا تتبدل. قال سبحانه: قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. وكانت الأمم السابقة تعذب باستئصالها جميعا، كقوم نوح وعاد وثمود. قال جل شأنه: فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. ولما بعث الله موسى عليه السلام رفع الله برحمته عذاب إهلاك الأمة جميعا، فقال عز وجل: ولقد آتينا موسى الكتاب من بعد ما أهلكنا القرون الأولى. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وكان قبل نزول التوراة يهلك الله المكذبين للرسل بعذاب الاستئصال، يهلك الله المكذبين للرسل بعذاب الاستئصال عذابا عاجلا، يهلك الله به جميع المكذبين. Sachez, chers musulmans et musulmanes, qu'Allah subhanahu wa ta'ala a créé ses serviteurs et il leur a montré la voie droite à suivre, de même qu'Allah Azzawajal leur a montré la voie de l'égarement dont ils doivent s'abstenir. Celui donc qui obéit à Allah Azzawajal connaîtra la joie et la félicité. Quant à celui qui lui désobéit Azzawajal, Allah Azzawajal lui prépare un châtiment douloureux. Il dit subhanah dans surat al-Hijj, son le sens: informe mes serviteurs que c'est moi le pardonneur, le très miséricordieux, et que mon châtiment est certes le châtiment douloureux. Allah Azza wa Jal est le plus fort. Allah Azza wa Jal est capable de toutes choses. Et lorsqu'il afflige un châtiment et une punition, personne ne peut l'en empêcher. Ainsi Allah Azza wa Jal a mis en garde ses serviteurs contre lui-même, subhanahu wa ta'ala, contre son courroux et son châtiment. Il dit subhanahu wa ta'ala, son le sens: Allah vous met en garde à l'égard de lui-même. Et la punition divine fait partie des lois qui ne changent pas. Elles font partie des lois divines qui ne changent pas et ne sont pas altérées. Il dit azza wa jal: avant vous, certes, beaucoup d'événements se sont passés. Or, parcourez la terre et voyez ce qu'il est advenu à ceux qui traitaient, c'est-à-dire les prophètes, de menteurs. Les communautés qui nous ont précédés, les peuples qui nous ont précédés, étaient châtiés dans leur globalité. Allah Azza wa Jal ne faisait pas de différence entre l'individu et les sociétés. Lorsqu'un peuple désobéissait à son prophète, Allah Azza wa Jal exterminer le peuple dans sa totalité, comme cela fut le cas du peuple de Nouh, du peuple de Had et de Thamoud. Allah Azzawajal dit, ainsi fut exterminé le dernier reste des injustes, et la louange appartient à Allah, le Seigneur de l'univers. Puis lorsqu'Allah Azzawajal a envoyé Moussa alayhi salam, Allah Azzawajal a fait preuve de miséricorde et n'a plus détruit une communauté entière. Il dit subhanahu wa ta'ala, et nous avons en effet donné le livre à Moussa après avoir fait périr les anciennes générations. Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah rahimahullah dit qu'avant la révélation de la Torah, Allah azawajal détruisait et exterminait l'ensemble de ceux qui traitaient les prophètes de menteurs. Allah azawajal leur affligeait un châtiment général et immédiat. Wa nabiyuna Muhammadun sallallahu alayhi wa sallam sa'ala rabbahu an la yuhlika ummatahu jami'a. فقال عليه الصلاة والسلام سألت ربي أن لا يهلك أمتي بالسنة أي بالجوع فأعطانيها وسألته أن لا يهلك أمتي بالغرق فأعطانيها وسألته أن لا يجعل بأسهم بينهم فمنعنيها رواه مسلم وعذاب كل أمة يتفاوت بتفاوت ذنوبهم وأول عذاب أنزله الله في الأرض هو الغرق قال عز شأنه عن قوم نوح مما خطيئاتهم أغرقوا وأغرق الله عز وجل فرعون وجنوده فقال فأغرقناهم في اليم ومملكة سبأ أهلكها الله بالماء فقال تعالى فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم وهدد الله الآمنين من مكره بالغرق فقال أم أمنتم أن يعيدكم فيه تارة أخرى فيرسل عليكم قاصفا من الريح فيغرقكم وأرسل الله على قوم عاد ريحا عاتية وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأى غيما أو ريحا خشي منها قالت عائشة رضي الله عنها يا رسول الله الناس إذا رأوا الغيم فرحوا رجاء أن يكون فيه المطر وأراك إذا رأيته عرفت في وجهك الكراهية فقال النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء ذلك في الصحيحين قال يا عائشة ما يؤمنني أن يكون فيه عذاب فقد عذب قوم بالريح وقد رأى قوم العذاب فقالوا هذا عارض ممطرنا وأخذت قوم صالح صيحة قطعت قلوبهم قال تعالى إنا أرسلنا عليهم صيحة واحدة فكانوا كهشيم المحتضر وتواعد الله المشركين بمثل هذا العذاب فقال وما ينظر هؤلاء أي وما ينتظر هؤلاء المشركون إلا صيحة واحدة ما لها من فواق ولما كفر قوم لوط وارتكبوا الموبقات سأرسل الله عليهم حجارة وقلب ديارهم فقال سبحانه فلما جاء أمرنا جعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليهم حجارة من سجيل منضود وهم أصحاب الفيل بهدم الكعبة ونقض حجارته فنزل عليهم حجارة من السماء وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل وقارون على وظلم فأهانه الله في سافل الأرض فقال سبحانه فخسفنا به وبداره الأرض وحذر الله العصاة من هذا العذاب فقال سبحانه أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض وقال النبي صلى الله عليه وسلم وبينما رجل يمشي في حلة تعجبه نفسه مرجل جمته إذ خسف الله به فهو يتجلجل به إلى يوم القيامة. Puis sachez, chers musulmans et musulmanes, que notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a demandé à Allah azza wa jal trois choses. Deux lui ont été accordées, une lui a été refusée. Il a demandé à Allah azza wa jal, comme il le dit alayhi salatu wa sallam, j'ai demandé à mon Seigneur de ne pas exterminer ma communauté par la faim, et il me l'a accordé. Et j'ai demandé à mon Seigneur de ne pas exterminer ma communauté par la noyade, il me l'a accordé. Et j'ai demandé à mon Seigneur de faire en sorte que ma communauté ne soit pas victime de son propre mal et du mal des uns des autres. Il me l'a refusé. C'est-à-dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a demandé à Allah azza wa jal le fait que dans cette communauté, les gens ne s'entretuent pas les uns les autres, que les gens ne se fassent pas la guerre les uns les autres, et cela n'a pas été accordé au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Puis sachez, chers musulmans et musulmanes, que les punitions divines que subissent les communautés sont proportionnelles aux péchés et aux désobéissances qu'elles commettent. Ainsi, la première punition qu'Allah subhanahu wa ta'ala a fait descendre sur terre est la punition de la noyade. Il dit subhanahu wa ta'ala, en parlant du peuple de Nuh, à cause de leur faute, ils ont été noyés. Allah azza wa jalla a noyé Pharaon et son armée. Il dit subhanahu, nous les avons noyés dans les flots. De même que le royaume de Saba, Allah azza wa jalla l'a exterminé par l'eau. Il dit subhanahu wa ta'ala son le sens. Ils se détournèrent, nous déchaînâmes sur eux l'inondation du barrage. Ainsi Allah Azza wa Jal a mis en garde ceux qui se croient à l'abri de sa ruse, ceux qui se croient à l'abri de la ruse d'Allah Azza wa Jal concernant la noyade. Il dit subhanahu wa ta'ala son le sens, où êtes-vous à l'abri qu'il vous ramène, c'est-à-dire en mer, une autre fois, et qu'il déchaîne sur vous un vent à tout casser, puis qu'il vous fasse noyer. Allah Azza wa Jal a envoyé au peuple Ad, un vent mugissant et furieux. Il dit Azza wa Jal selon le sens, et quant à Ad, ils furent détruits par un vent mugissant et furieux. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et écoutez bien ce hadith immense du prophète sallallahu alayhi wa sallam, rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam voyait un nuage, ou lorsqu'il y avait du vent, il était pris de peur alayhi salatu wa sallam. Aisha radiallahu anha a dit, ô envoyé d'Allah, les gens, lorsqu'ils voient un nuage, se réjouissent en espérant que ce nuage apporte de la pluie. Quant à toi, je vois dans ton visage la marque de quelque chose que tu répugnes et que tu détestes. Il dit sallallahu alayhi wa sallam, ô Aïcha, et qui me garantit que ce nuage n'est pas accompagné de châtiment et de punition? Un peuple a été puni par le vent, entre parenthèses, qui est le peuple de Ad, et un peuple ont vu le châtiment. Lorsqu'ils ont vu le châtiment, on dit, voici un nuage qui nous apporte de la pluie, comme nous le cite Allah Azza wa Jal dans Surat Al-Ahqaf. Également, le peuple de Salih ont été punis par un seul et unique cri qui a fendu leur cœur et qui a fait d'eux des corps inertes et sans vie. Il dit subhanahu wa ta'ala selon le sens, nous lâchâmes sur eux un seul cri et voilà qu'ils furent réduits à l'état de paille. Allah Azza wa Jal a mis en garde les polythéistes d'un châtiment similaire. Il dit subhanahu wa ta'ala en parlant des polythéistes, ceci n'attendant qu'un seul cri, sans répétition. Et lorsque le peuple de Lot ont mécru, et lorsqu'ils ont accompli et fait ce péché ignoble, Allah Azzawajal a envoyé sur eux des pierres d'argile, et Allah Azzawajal a fait en sorte que leur cité et leur maison se retrouvent de fond en comble. Il dit subhanahu wa ta'ala son le sens. Et lorsque vint notre horde, nous renversâmes, c'est-à-dire la cité, de fond en comble, et fîmes pleuvoir sur eux une masse de pierres d'argile, succédant les unes aux autres. Et lorsque ceux qui avaient les éléphants voulaient détruire la Kaaba, Allah Azzawajal a fait abattre sur eux des pierres descendant du ciel. Il dit subhanahu wa ta'ala, et a envoyé sur eux les oiseaux par volée qui leur lançaient des pierres d'argile. Qaroun, qui s'est enorgueillé et a été injuste, Allah Azzawajal l'a humilié en faisant en sorte qu'il soit enseveli sous terre. Il dit subhanahu wa ta'ala, nous fîmes donc que la terre l'engloutit, lui et sa maison. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous informe dans un hadith authentique qu'un homme qui marchait dans des vêtements bellissimes et qui était orgueilleux dans sa démarche, Allah Azzawajal a fendu la terre et a fait en sorte que cet homme s'engloutisse sous terre. Et il dit sallallahu alayhi wa sallam, et il ne cesse de s'engloutir sur terre jusqu'au jour du jugement. ثم اعلموا أيها المسلمون أن من لم يشكر نعمة الأمن والرخاء سلبه إياهما. قال تعالى: وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. وعذب الله أقواما بمسخ صورهم إلى غير سورة البشر فأصحاب السبت احتالوا على ما حرم الله فمسخهم قردة. قال سبحانه: ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين. ومسخ من بني إسرائيل قردة وخنازير كما قال سبحانه: وجعل منهم القردة والخنازير. وسيقع في هذه الأمة مثل ذلك. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء ذلك في صحيح الإمام البخاري: ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الحرى أي الزنا والحرير والخمر والمعازف، ولينزلن أقوام إلى جنب علم أي إلى جنب جبل يروح عليهم بسارحة لهم أي غنم يأتيهم أي غنم لهم يأتيهم يعني الفقير رحاجة فيقولون ارجع إلينا غدا فيبيتهم الله ويضع العلم أي يدك الله الجبل ويمسخ آخرين قردة وخنازير إلى يوم القيامة. والطاعون من عذاب الله. قال عليه الصلاة والسلام: الطاعون رجس أرسل على طائفة من بني إسرائيل أو على من كان قبلكم. ورأى النبي صلى الله عليه وسلم من قريش إدبارا في أول دعوته وآذوه، دعا عليهم النبي صلى الله عليه وسلم فقال: اللهم سبع كسبع يوسف، أي دعا النبي صلى الله عليه وسلم على كفار قريش بالجوع. قال عليه الصلاة والسلام: فأخذتهم سنة حصت كل شيء حتى أكلوا الجلود والميتة والجيف. وعصى رجل أمر النبي صلى الله عليه وسلم فشلت يده من ساعته، كان الرجل يأكل بشماله، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: كل بيمينك. قال الرجل: لا أستطيع. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا استطعت، ما منعه إلا الكبر. قال راوي الحديث: فما رفعها إلى فيه، أي ما استطاع هذا الرجل أن يرفع يمينه إلى فيه بعد ذلك. وأسلم رجل نصراني فكان يكتب للنبي صلى الله عليه وسلم كتبه، فارتد فأماته الله فدفنوه، فلفظته الأرض فحفروا له ثانية فأعمقوا فلفظته الأرض، فعلوا ذلك 3 مرات تلفظه فتركوه. وما أبغض أحد النبي صلى الله عليه وسلم وتطاول عليه إلا بتره الله بقطع ذكره ونسبه ونسله، إن شانئك هو الأبتر. وأعظم عقوبة في الدنيا العقوبة في الدين، فمن صد عن دين الله أعرض الله عنه، قال سبحانه فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. ومن نقض ميثاق ربه وأشرك مع الله غيره عوقب بقسوة القلب، قال عز وجل فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية. ومن دعا غير الله نزعت من قلبه محبة الله وأحب ما سواه، قال عز وجل وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم. وقد يعاقب المرء في دينه بحبوط عمله، قال عليه الصلاة والسلام كما جاء ذلك في صحيح الإمام مسلم، قال رجل والله لا يغفر الله لفلان، فقال الله عز وجل من الذي يتألى علي أن لا أغفر لفلان، فإني قد غفرت له وأحبطت عملك. Puis sachez, chers musulmans et musulmanes, que celui qui n'est pas reconnaissant envers Allah Azza wa Jal sur le bienfait de la sécurité et le bienfait de l'aisance, Allah Azza wa Jal lui ôte ses bienfaits. Il dit subhanahu wa ta'ala selon le sens, et Allah propose en parabole une ville. Elle était en sécurité, tranquille, sa part de nourriture lui venait de partout en abondance. Puis elle se montra ingrate aux bienfaits d'Allah. Allah lui fit alors goûter la violence de la faim et de la peur en punition de ce qu'il faisait. Allah Azza wa Jal punit également d'autres peuples en changeant leur apparence. En changeant leur apparence qui n'est plus une apparence d'être humain. Ainsi, ceux qui ont désobéi et ceux qui n'ont pas respecté le sabbat parmi les fils d'Israël, Allah Azza wa Jal les a punis en les transformant en singes. Il dit subhanahu wa ta'ala, vous avez certainement connu ceux des vôtres qui transgressèrent le sabbat, et nous leur dîmes, soyez des singes méprisables. Et il dit aussi Azza wa Jal, en parlant d'autres parmi les fils d'Israël, qu'Allah Azza wa Jal a puni en changeant leur apparence par des apparences de singes et de porcs, ceux dont il a fait des singes et des porcs. Et sachez, chers musulmans et musulmanes, que cela a lieu également dans notre communauté. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit dans le hadith authentique rapporté par Al-Bukhari qu'il viendra dans ma communauté des gens qui rendront licite la fornication, ainsi que la soie, c'est-à-dire pour les hommes, ainsi que le vin et les instruments de musique. Et un peuple sera à proximité d'une montagne, viendront à eux du bétail, et viendra un pauvre qui leur demandera un pauvre qui est dans la nécessité, et qui leur demandera de leur donner une part de ce bétail. Ils diront, reviens à nous demain. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, ils passeront la nuit, Allah Azza wa Jal pulvérisera cette montagne et punira d'autres en les transformant en singes et en porcs, et ceci jusqu'au jour du jugement. Puis sachez, chers musulmans et musulmanes, que la peste fait partie des punitions d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il dit sallallahu alayhi wa sallam, la peste est une chose insalubre qui a été envoyée à une partie des fils d'Israël ou à ceux qui vous ont précédés. Et lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a vu que Quraysh se détournait de son appel au début de l'islam et que Quraysh portait atteinte au prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a invoqué sallallahu alayhi wa sallam contre eux et leur a dit, oh Allah, inflige-leur les sept parmi les sept de Youssouf. C'est-à-dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a invoqué Allah contre Quraysh afin qu'il leur inflige la famine. Ils ont donc été pris d'une famine qui a tout détruit au point que les polythéistes de Quraysh soient venus à manger de la peau et des bêtes mortes. Et lorsqu'un homme a désobéi au prophète sallallahu alayhi wa sallam, sa main s'est paralysée sur le champ. Un homme qui mangeait de sa main gauche. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, mange de ta main droite. L'homme a répondu, je ne peux pas. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a alors dit, puisses-tu ne jamais pouvoir? Ce qui l'a empêché de manger de sa main droite n'est autre que l'orgueil. Le rapporteur du hadith a dit, et cet homme n'a pu par la suite lever sa main droite au niveau de sa bouche. Et lorsqu'un homme chrétien qui s'était converti à l'islam et qui était un des scribes du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il écrivait pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a apostasié après son islam, Allah azawajal l'a fait mourir. Ils l'ont alors enterré, la terre l'a rejeté. Ils l'ont enterré une deuxième fois, en creusant plus profond, la terre l'a rejeté. Ils ont creusé pour lui une tombe, pour la troisième fois, une tombe encore plus profonde. Et la terre l'a rejeté, ils l'ont ainsi laissé comme cela. Le hadith est rapporté par Al-Bukhari dans son Sahih. Et toute personne qui déteste le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Allah azza wa jal mettra un terme à son nom et à sa descendance. Il dit azza wa jal, selon le sens, celui qui te hait, c'est-à-dire qui te hait, ô Muhammad, sera sans prospérité. Et sachez, chers musulmans et musulmanes, que la plus grande des punitions dans cette vie d'ici-bas est la punition dans la religion. Celui donc qui se détourne d'Allah Azza wa Jal, Allah se détourne de lui. Il dit subhanahu wa ta'ala, quand ils dévièrent, Allah fit dévier leur cœur. Celui qui rompt le pacte avec Allah et associe avec Allah autre que lui, il sera éprouvé et puni par la dureté. Par la dureté du cœur, il dit subhanahu wa ta'ala son sens, à cause de leur violation de l'engagement, nous les avons maudits et avons endurci leur cœur. Et celui qui invoque autre qu'Allah, Allah azza wa jal ôtera l'amour d'Allah de son cœur, et cette personne aimera autre qu'Allah, comme Allah azza wa jal nous le dit, en parlant des fils d'Israël qui ont pris comme divinité le veau, lorsque Moussa alayhi salam s'est absenté, Allah azza wa jal leur a infligé comme punition, leur cœur était passionnément attaché au veau. Allah azza wa jal peut également punir une personne en abolissant ses actes. Ainsi le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous informe qu'un homme a dit par Allah, Allah ne pardonnera pas à un tel. Allah Azza wa Jal dit, qui est celui-ci qui ose parler en mon nom que je ne pardonnerai pas à un tel. J'ai pardonné à un tel et j'ai aboli tes actes. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah. Alhamdulillahi rabbil alamin. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد اعلموا أيها المسلمون والمسلمات أن عذاب الله شديد وعقابه سريع وأخذه أليم ووعده حق وبيده مقاليد السماوات والأرض ولا يعجزه شيء وما يعلم جنوده إلا هو وأمره كلمح البصر وإذا عصى العبد ربه هان عليه ويستدرجه من حيث لا يعلم وهو سبحانه وتعالى لا يخفى عليه شيء من أعمال خلقه فمن عمل صالحا شكر ومن أساء عوقب والعاقل لا يستهين بمعاصي الله فلا يعلم أيها تهلكه قال الله تعالى فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم قص الله علينا قصص من قبلنا للعظة والعبرة وهو بحكمته وعدله يظهر للناس أعمالهم في قوالب وصف قوالب وصور تناسبها فتارة بقحط وجد وتارة بعدو وتارة بأمراض عامة وتارة بهموم وآلام وتارة بمنع بركات من السماء والأرض وقطع الرزق ومن تاب رفع عنه عذابه ومن أناب إليه أعلى الله عز وجل درجته والعقوبات سببها العبد نفسه قال تعالى وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير وإذا تأخر العذاب قد يكون استدراجا أو إمهالا قال عز وجل سنستدرجهم من حيث لا يعلمون قال الإمام القرطبي رحمه الله عند تفسير هذه الآية تأخير العذاب ليس للرضا بأفعالهم بل سنة الله إمهال العصاة مدة Sachez, chers musulmans et musulmanes, que le châtiment d'Allah est douloureux, que sa punition est rapide, que sa prise est extrêmement difficile, et que les promesses d'Allah Azza wa Jal sont vérité. Sachez que rien n'est impossible pour Allah. Il ne connaît les soldats d'Allah que lui. Et lorsqu'Allah Azza wa Jal ordonne une chose, celle-ci est mise en application avant le temps d'un clin d'œil. Et lorsque un serviteur désobéit à Allah Azza wa Jal, Allah Azza wa Jal le conduit graduellement vers le châtiment, sans que ce serviteur ne s'en rende compte. Allah Azza wa Jal, rien ne lui échappe. Parmi les actes de ses serviteurs, celui qui accomplira de bonnes choses se verra récompensé. Quant à celui qui accomplit de mauvaises œuvres, se verra châtié et puni. Et le doué de raison est celui qui ne minimise pas la désobéissance à Allah Azza wa Jal, car le doué de raison, celui qui réfléchit, sait pertinemment qu'il ne sait pas lequel des péchés, laquelle des désobéissances qu'il fait à Allah Azza wa Jal, lequel de ces péchés provoquera sa perte. Allah Azza wa Jal dit que prennent garde ceux qui vont à l'encontre de ses commandements, que ne les touche une tentation ou qu'ils ne soient frappés d'un châtiment douloureux. Allah Azza wa Jal nous a raconté les histoires de ceux qui nous ont précédés. Allah Azza wa Jal nous a raconté les histoires des peuples qui n'ont pas cru en leurs prophètes et comment ont été leurs finalités. Allah Azza wa Jal les a détruits, les a anéantis. Allah Azza wa Jal a fait abattre sur eux de multiples punitions aussi variées les unes des autres. Ceci afin que nous réfléchissions. Ceci afin que nous nous remettions en cause. Et les punitions d'Allah Azza wa Jal sont infligées en fonction du contexte. Allah Azza wa Jal peut punir un peuple par la faim. Il peut punir un peuple en faisant en sorte qu'il soit attaqué par un ennemi. Allah Azza wa Jal peut punir un peuple en faisant en sorte qu'il soit atteint d'une maladie générale. Allah Azza wa Jal peut punir d'autres personnes en faisant en sorte qu'ils ne connaissent ni tranquillité, mais que leur vie soit souci après souci. Allah Azzawajal peut punir d'autres personnes en les privant de sa pourvoyance, subhanahu wa ta'ala, et en faisant en sorte qu'ils soient démunis de toute chose. Quant à celui qui se repent, Allah Azzawajal ôtera de lui la punition. Et celui qui revient, repentant vers Allah Azzawajal, Allah élèvera ses degrés. Sachez, chers musulmans et musulmanes, que les punitions que subissent les gens, que la punition que subit le serviteur, la cause première est ce serviteur lui-même. Il dit, subhanahu wa ta'ala, il n'y a pas un malheur qui vous touche si ce n'est à cause de ce que vos mains ont accompli. Et Allah est indulgent sur beaucoup de choses. Et ne soyez pas dupés lorsque la punition tarde à venir, car une punition qui tarde à venir est une graduation d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah azza wa jal retarde le châtiment afin d'accorder à l'injuste un moment de répit, afin d'accorder à l'injuste un moment dans lequel il peut encore revenir. Ne pensez donc pas que lorsqu'une punition ne s'abat pas sur un peuple, que cela est une preuve de miséricorde ou de clémence de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Comme il le dit Azza wa Jal dans Surat Al-A'raf, nous allons les conduire graduellement vers la perte par des voies dont ils ignorent. Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullah a donc dit, en expliquant ce verset de Surat Al-A'raf, le fait que le châtiment tarde à venir n'est pas une acceptation d'Allah Azza wa Jal du péché qu'ils commettent, mais c'est la loi d'Allah. La loi d'Allah est d'accorder un délai à ceux qui lui désobéissent. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا هداة مهتدين غير الضالين ولا مضلين ونسأله عز وجل أن يجنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك شيئا نعلمه ونستغفرك لما لا نعلمه اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين اللهم من أراد بالإسلام والمسلمين خيرا فوفقه لكل خير ومن أراد بالإسلام والمسلمين سوءا فأرنا فيه عجائب قدرتك يا قوي يا عزيز وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين